chair, plus encore, plus de vie, que c'est parti dans cette société, c'est impossible. Ils te montrent leur politique, ils te montrent comment péter et mourir en dignité. Tes opinions ne me regardent pas, je ne cherche pas à le savoir. Je suis libre de penser et personne ne m'en empêche. Une histoire d'eau.